présente okay. 41 000 trop grands. Présente 41 000 trop grands. Ok, c'est un corset trop. Non, car c'est corset. Lancé sur mon chemin, rapide comme une SLK. Mon style est à mettre dans vagin. Appelle-moi DSK. Distribue des chiffres à la Bertrand. Quant à l'M, sinon des allers-retours sur les piles comme ça à Morgaz. Frère, j'ai bu des rimes classées en poids lourd. On est à les jaloux nous suivent derrière, comme toujours. Dans la dette, je vais décroche pas trop vite les deux tours. Dans n'importe quel game, impossible que je passe mon tour. Un son tu ris, ça se passe chez 100 MO. Les pavés, ça pune. Taille le bras au couteau. J'ai versé des larmes aujourd'hui, je vais verser des larmes. J'avais mal maintenant, les problèmes ont fait mon charme. Mon stylo comme arme, les autres sont en difficulté pulmonaire. J'suis difficile à suivre, t'as compris pourquoi ils disent c'est la galère. Moi ça représente 41 000 trop grands. Yeah. Suivant.